Dandan, Momon, 5-9, killer. Dandan, Momon, 5-9, killer. Dandan, Momon, 5-9, killer. Dandan, Momon, 5-9, killer. Je vous laisse la bonne écoute. J'espère que vous allez comprendre mes galères dans la débrouille. Les coups des babs, tout. Dans ma vie, j'ai pas toujours eu de chance. J'ai dû attendre 20 ans pour avoir le bagou. Je suis un mec simple, les chaînes en or, je m'en bats les couilles. On veut de l'argent, je me débrouille. Instrumental, sors un sbar pour ton mental. Il faut que tu te barres si tu te sens mal. Si la tension monte, c'est que mes sons te rend malade. Et les gars, ils veulent tester mon âme, son sera live. Dans mon 59, l'album, je l'écris avec le cœur, avec les mains dans la merde. Mais je brille encore, je fais tous les jours les épreuves. Pour être encore chaque jour au top, encore plus fort, mais je galère encore et encore, on est tous d'accord. Dandan, Momon, 5-9, killer. Dandan, Momon, 5-9, killer. Dandan, Momon, 5-9, killer. Dandan, Momon, 5-9, killer. Dandan, Momon, 5-9, killer.